Chapitre 11e. Homme d'affaires. En entrant au Vauxhall, M. Harel s'efforça, mais en vain, de déguiser sa mauvaise humeur et de reprendre sa gaieté ordinaire. Il ne put jamais y parvenir. Et sa tristesse reprenait bientôt le dessus. Il leur fit faire plusieurs tours de promenade dans l'endroit où il y avait le plus de monde. Il marchait avec tant de vitesse qu'à peine pouvait-elle le suivre. Comme il s'était flatté que l'exercice et le mouvement lui rendraient sa première vivacité, tous ses efforts n'ayant rien produit, il devint toujours plus triste. Il s'arrêta pour demander une bouteille de vin de champagne. Il en but plusieurs verres avec précipitation. Après quoi, il les conduisit dans un des endroits les moins fréquentés du jardin, et dès qu'ils se trouvèrent hors de la vue de la compagnie, il s'arrêta tout à coup et leur dit avec beaucoup d'émotion « Ma chaise sera bientôt prête. Il me reste à vous dire adieu pour longtemps. Mes affaires sont de nature à ne pas me faire espérer un prompt retour. Le vin me monte actuellement à la tête et peut-être serai-je bientôt hors d'état de m'expliquer comme je le voudrais. Je crains d'avoir été trop cruel envers vous, Prissy, et je commence à me repentir de ne vous avoir pas épargné ce triste moment. Ayez cependant soin de vous le rappeler, et pensez-y toutes les fois que vous pourriez être tenté de répéter les extravagances et les dépenses qui ont causé notre ruine. » Madame Harel pleurait trop pour pouvoir lui répondre. Se tournant ensuite vers Cécile, il lui dit « Ah, mademoiselle, je n'ose presque m'adresser à vous. J'en ai agi indignement à votre égard. Je paye bien chèrement mes torts. Je ne vous demande ni pitié ni pardon. J'en connais trop l'inutilité. Et je sens qu'il vous serait impossible de m'accorder ni l'un ni l'autre. « Non, s'écria Cécile attendrie, cela n'est point impossible. Je vous les accorde tous deux dans ce moment, et j'espère, n'espérez point, » dit-il en l'interrompant. « Ne soyez pas si facile. Je ne saurais soutenir la vue de vos perfections angéliques. Pourquoi des vertus telles que les vôtres sont-elles tombées en des mains si peu dignes de les apprécier? Mais allons, rejoignons la compagnie. Ma tête commence à s'échauffer, j'ai le cœur oppressé. Il faut tâcher de surmonter ma tristesse et de me calmer. » Il remit alors un paquet cacheté à Cécile, et lui dit du ton le plus affectueux, « Si la lettre qu'il contient avait été écrite un peu plus tard, elle aurait été plus honnête pour ma femme. À présent que le moment de notre séparation approche, tout ressentiment et toute plainte cessent. Pauvre Prissy, je suis désespéré. Mais vous ne l'abandonnerez pas. Vous lui continuerez vos bontés. Oh, modèle de perfection, que nous ai-je connu avant d'être si aveugle? Mon sort était décidé. J'étais déjà perdu et ruiné avant que vous entrassiez chez moi. Allons, venez. Mon courage m'abandonnerait, et je finirai par ne point partir. » Ils regagnèrent bientôt la foule. M. Harel s'empara d'un cabinet et demanda à souper. Mme Harel et Cécile s'y opposèrent. Il ne fit pas la moindre attention à ce qu'elle disait. Il engagea à boire avec lui toutes les personnes qu'il rencontra et qu'il connaissait, M. Marriott, Maurice, le chevalier Floyer. Après s'être livré à un excès qui pouvait favoriser la résolution qu'il avait prise, il sortit brusquement. Cécile et Mme Harel ne doutèrent pas qu'il n'eût été joint dans la chaise qui l'attendait. Mais à peine l'eurent-elles perdu de vue qu'elles entendirent le bruit d'un coup de pistolet. Elles poussèrent un grand cri et toutes les personnes qui étaient avec elles sortirent pour en avoir la cause. Elles furent longtemps sans en être instruites. On les tira enfin de cette cruelle incertitude en leur apprenant le sort de M. Harel. Le désespoir de Mme Harel et la douleur de Cécile furent extrêmes. Celle-ci, croyant pouvoir être encore utile à son tuteur, sortit pour lui procurer des secours. Elle sut bientôt qu'il n'y avait plus que des ordres à donner pour le conduire au tombeau. Lorsqu'elle eut pris toutes les mesures nécessaires en pareille circonstance, elle chercha les moyens d'éloigner son ami d'un lieu qui ne pouvait qu'entretenir son désespoir. Elle n'avait point de voiture à leurs ordres. Le seul domestique qui les avait suivis était auprès de son maître. Cécile ne voulait point accepter les offres de Messieurs Floyer et Marriott. Elle sortit du café où elle s'était retirée pour voir s'elle trouverait quelqu'un qui pût lui procurer une voiture lorsqu'elle rencontra le jeune Delville. « Oh, nous sommes en sûreté. Monsieur Delville, s'écria-t-elle, nous allons nous remettre entre vos mains, et je suis sûr que vous nous protégerez. »« Vous protégez, » répéta-t-il encore avec chaleur. « Oui, tant que je vivrai. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi êtes-vous si pâle? Vous trouveriez-vous mal? Que redouteriez-vous? » Perdant tout à coup sa froideur et sa réserve, il la supplia vivement de vouloir s'expliquer. « Ne savez-vous pas, s'écria-t-elle, ce qui vient d'arriver? Avez-vous pu être ici et ne l'avoir pas entendu ? Entendu quoi ? Lui demanda-t-il. Je ne fais que d'arriver. Ma mère était inquiète de ne point vous voir. On lui avait dit que vous n'étiez pas encore revenu de Vauxhall. Quelques autres circonstances ont encore contribué à l'alarmer, et c'est ce qui m'a engagé à me rendre ici, quoiqu'il fût si tard. Au moment où je suis entré, je vous ai reconnu. Voilà toute mon histoire. C'est à vous actuellement à me conter la vôtre. Où est votre compagnie ? Où sont monsieur et madame Harel ? Pourquoi êtes-vous seul ? Oh, ne me faites plus de questions, s'écria-t-elle. Il m'est impossible d'y répondre. Prenez-nous seulement sous votre protection. Et tous ne tarderaient guère à apprendre tout ce que vous désirez de savoir. Elle se hâta de le quitter. Et retournant auprès de madame Harel, elle lui dit qu'elle avait enfin trouvé un moyen sûr et convenable de se rendre chez elle, et la pria de se lever et de la suivre. Messieurs Floyer et Mariott se présentèrent et déclarèrent, chacun en particulier, qu'ils étaient décidés à les accompagner. « Non, répliqua Cécile d'un ton ferme, vous prendriez une peine inutile. Madame Delville vient de m'envoyer chercher et son fils nous attend. » Cécile, sans leur donner le temps de l'interroger, voulut partir. Mais voyant qu'elle n'avait pas assez de force pour soutenir madame Harel, qu'il fallut plutôt porter que conduire, elle l'abandonna à leurs soins et prit les devants pour s'informer de Delville si son carrosse était prêt. L'étonnement et l'horreur qu'elle aperçut sur son visage lui firent connaître qu'on l'avait instruit de la triste scène qui venait de se passer. Il écoutait ce qu'on lui racontait. Mais aussitôt qu'il la vit, il courut au-devant d'elle et s'écria avec beaucoup d'émotion. « Aimable Miss Beverley, de quel affreux spectacle avez-vous été témoin ? Avec quelle noblesse vous avez rempli une tâche si pénible ? Tant de courage et tant de douceur ? Une si grande présence d'esprit jointe à tant de sensibilité ? Vous êtes incomparable. La nature humaine n'est pas susceptible d'une plus grande perfection. Je vous regarde comme son plus digne ornement. » Des louanges pareilles, si imprévues et données avec cette énergie, ne purent qu'être agréables à Cécile, dans un moment même où ses pensées étaient entièrement absorbées par des objets étrangers aux intérêts de son cœur. Elle lui demanda cependant si son carrosse était à la porte, et il lui répondit qu'il était venu dans un fiacre qui l'y attendait. Madame Harel arriva pour lors. On fut obligé de la porter à la voiture. Cécile la suivit, et Delville étant montée après elle, ordonna au cocher de le mener chez madame Harel.